gère sur de l'air en ration. Au défilé des modérateurs, je me sers de mon ventilateur pour chasser des mots, les odeurs de ratés dans le moteur, des vapeurs élaborées par la peur des mots adorés. Modérez, ne me modérez pas, moi j'adore quand je ne me modère pas. Modérez, vous ne m'adorez pas, aimez-moi, moi sans vous modérer. Je glisse en mode érection sur la terre en transition. J'ai choisi ce mode d'élection sans faire taire mes convictions. Devant la foule arbitraire, pas commode et bat en guerre, chassant les mots, les vers de trop qui l'incommodent au karcher. Modérez, ne me modérez pas, moi j'adore quand je ne me modère pas. Modérez, vous ne m'adorez pas, aimez-moi, moi, sans vous modérer. Modérez, vous ne m'adorez pas. Modérez, modérez, ne me modérez pas. Modérez, modérez, ne me modérez pas. Modérez, modérez, vous ne m'adorez pas. Modérez, modérez, aimez-moi, moi, sans vous modérer. Chasser des mots, les odeurs de ratés dans le moteur, des vapeurs élaborées par la peur des mots adorés. Modérez, modérez, vous ne m'adorez pas. Modérez, modérez, ne me modérez pas. Modérez, modérez, ne me modérez pas. Modérez, modérez, vous ne m'adorez pas. Modérez, modérez, aimez-moi, moi, sans vous modérer. Servi par des mots d'élation, revient d'anciens mots de nation. C'est par des mots de l'action, en réaction contre ces mots. Je mets l'amour au panthéon, tourne la haine en dérision, mes chansons en partition sur les mots sans modération. Modérez, ne me modérez pas, moi j'adore quand je ne me modère pas. Modérez, vous ne m'adorez pas, aimez-moi, moi, sans vous modérer. Thank you.